بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, le mardi 17 de l'Hijja de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 27 juillet 2021. Nous poursuivons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala notre étude de Durus al-Muhimma li'ammati al-Umma de l'imam Abdel Aziz ibn Baz, qui est décédé en l'an 1420 de l'Hégire. On s'est rendu à la 10e leçon de ce livre, dans laquelle l'imam a parlé de sunan as-salat. As-sunan, ce sont les choses recommandées dans la salat. Nous avons vu les conditions. Les conditions, ce sont des choses qui ont lieu avant la salat et qui ne font pas partie de l'adoration. De manière générale, les conditions ne font pas partie de l'adoration, telles que les ablutions, l'entrée de l'heure, tout ça. Couvrir l'aura, se diriger vers le Qibla, purifier ses vêtements, son corps et l'endroit dans lequel on fait la salat. Ensuite, nous avons vu les piliers. Des piliers qui font partie de l'adoration. Et que tout prieur, tout musalli doit avoir dans sa salat. Que tu sois seul ou derrière un imam. S'il te manque un pilier dans la salat est invalide, comme bien même tu es derrière un imam. Sauf si tu le rattrapes et que tu as la possibilité de le rattraper. Donc le pilier est indispensable. On a vu également les obligations. Les obligations, tu peux les compenser par ce jeu de sahou. Et si tu es derrière un imam, il n'y a pas besoin de faire ce jeu de sahou non plus. Car l'imam prend pour toi les manquements dans les obligations et dans les sunan, et non pas les manquements dans les piliers. Ensuite, nous avons les sunan. Et comme je vous ai dit, dans le madhhab al-maliki, ils n'ont pas cette classification. Ils ont le fara'id. Ils ont les conditions. Le fara'id, c'est comme les piliers, les obligations, mais ils vont citer dedans ce qu'on a vu, nous, dans les piliers. Et ensuite, ils ont les sunan. Mais les sunan pour le Malikiya, c'est comme les obligations dans ce qu'on vient de voir. Ça se rapproche des obligations. C'est pour ça, dans les sunan, chez le Malikiya, ils citent à peu près les mêmes choses qui sont citées dans les obligations. Et ensuite, dans ce que nous allons voir comme sunan, eux, ils les appellent al-fada'il. Al-fada'il. Les choses méritoires. Donc les sunan, pour eux, il faut pas les délaisser. Mais si tu les délaisses, ça se compense par ce jeu de sahou. Mais d'après ce que nous, on a vu, dans les obligations, si tu délaisses une obligation volontairement, ta salat est invalide. Pour le Malikiya, non, elle ne sera pas invalide. Pour eux, ce qui invalide la salat, c'est uniquement les piliers. Les 14 piliers, ou les 12 piliers, ou les 13, selon ceux qui ont écrit dans le madhhab al-Malik. Donc aujourd'hui, nous allons voir les sunan. Inch'Allah ta'ala. Cheikh Abdel Aziz ibn Baz, on a cité 16 sunnah. Et il a indiqué le reste de ce qui est rapporté authentiquement du prophète alayhi salatu wassalam comme sunan, en citant deux autres exemples. Donc, au total, 18 sunnas sont citées dans ce livre. Donc, sunna, pour nous, c'est tout ce qui est rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam, authentiquement dans sa salat, et que son délaissement, par oubli, par erreur, par même volontairement, n'invalide pas la salat. N'invalide pas la salat. Mais bien évidemment, tous les savants recommandent de prier comme le Nabi alayhi salam priait. Et même ces sunan que nous allons voir, le Nabi alayhi salam, il les faisait tout le temps dans ses salawat. Il les délaissait pas. C'est pour ça, ton objectif, ça doit être de prier comme le Nabi alayhi salatu wassalam priait, comme il te l'a ordonné. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Dans le madhhab al-Maliki, il cite dans les sunan 10 la récitation en plus de l'Fatiha, une surah en plus de l'Fatiha, ça c'est une sunna. Fatiha c'est pour eux comme le pilier. Également parmi les sunan, de prier à basse voix les prières qui sont à basse voix et à haute voix comme yani les prières qui sont à haute voix, toutes les takbirat, toutes les formules de takbir, excepté la première, takbirat l'ihram, avec laquelle t'entames ta salat. Tout le reste pour eux c'est des sunnah. Nous on les a vus dans les obligations. Et ce qui est voulu par takbir, c'est la formule, c'est pas le geste. Le geste, c'est dans les sunan et non pas dans les obligations. Aussi, le fait de dire Sami Allahu liman hamida et les deux tashahhud, le premier et le dernier, les deux sont des sunan pour le Malikiya. L'assise entre, yani l'assise pour faire tashahhud, c'est une sunna. La deuxième teslima et de faire la première teslima à haute voix, c'est une sunna. Et la dernière sunna qu'il cite, la dixième, c'est la quiétude dans la salat en plus de la quiétude obligatoire. La quiétude obligatoire, c'est quand tu te relèves par exemple de ruku', de se relever complètement jusqu'à être debout et que chaque membre reprend sa place avant ton inclinaison, ça c'est l'obligation. De rester plus le temps de dire ce qui est rapporté de Nabi alayhi salam, c'est une sunna. Donc les sunan que l'imam Abdelaziz ibn Baz nous a cité ici, il a commencé par la première, al-istiftah. Al-istiftah. L'istiftah, c'est l'invocation d'ouverture. L'invocation d'ouverture. Et par rapport à cette invocation, il a été rapporté plusieurs formules du prophète alayhi salatu wassalam. Dans la plus authentique, c'est la parole Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib. Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsil khataaya bil-ma'i wath-thalji wal-barad. Je vous invite tous à voir un livre de Adhkar qu'on utilise quotidiennement et dans lequel vous trouverez toutes ces invocations. Comme celui qui a été pris des livres de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il est très bien. Aussi, la citadelle du muslim, elle est très bien. Il y en a ces deux livres que je connais qui sont très bien et qui sont ce qui est rapporté de Cheikh Al-Albani, de ses livres, la totalité est authentique. Et par rapport à la citadelle du musulman, il y a deux ou trois adhkar au sujet desquels il y a une divergence. Mais de toute façon, l'auteur est revenu au jugement de Cheikh Abdelaziz Ben Baz par rapport à ses invocations. Donc, pour lui, tout ce qui est dedans est accepté. Donc les deux, ce sont des bonnes références que vous devez avoir au minimum un des deux. Et le croyant doit s'habituer à utiliser ses adhkar dans sa journée. Et ça, c'est parmi les meilleures adorations que tu puisses avoir dans une journée. C'est d'être lié à Allah subhanahu wa ta'ala depuis ton réveil. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Jusqu'à ce que tu prennes ton lit pour dormir. Bismika Allahumma wada'tu janbi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi 'ibadak as-salihin. Il y a pas de mal à lire pendant que tu dis l'adhkar, et à force bi'idnillah tu vas les mémoriser. Quotidiennement, faut que tu fasses tous ces adhkar. Adhkar du matin, adhkar du soir, adhkar du matin que tu dis après salat al-fajr, adhkar du soir que tu dis après salat al-asr, adhkar de la nuit, ce qui est rapporté dans la nuit, après le maghrib, adhkar pour dormir, et adhkar après les salawat, adhkar quand tu rentres chez toi, tu sors de chez toi, et ainsi de suite. Donc ce dhikr de l'istiftah, du'a l'istiftah que je viens de citer, il est rapporté dans les deux authentiques. C'est pour ça que les savants disent, comme l'imam Ibn al-Qayyim, il dit que c'est le plus authentique de l'ad'iya de l'istiftah. Les invocations de l'ouverture de salat, le plus authentique c'est celui-là. Mais le plus fort dans le sens, c'est سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Donc celui-là il est rapporté par Abu Dawud, Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah, également rapporté par l'imam Ahmad selon Abu Sa'id Al-Khudri. L'imam Al-Qayyim il dit que le premier est le plus authentique et le deuxième est le plus fort dans ses sens. Car le deuxième contient les éloges à Allah subhanahu wa ta'ala, les éloges adressés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier contient des invocations. Mais de toute façon, si tu peux varier entre les deux, c'est ce qui est demandé dans toutes ces choses-là. Et c'est l'idéal dans toutes ces choses dans lesquelles sont rapportés beaucoup de adhkar et de ad'iya. Il y a un dua istiftah qui est spécifique à la prière de nuit, qiyam al-layl, la prière nocturne, dans lequel le prophète عليه الصلاة والسلام disait Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfil, fatir as-samawati wal-ard, alim al-ghaybi wa shahada, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi ikhtalifun. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ce dua a été rapporté par l'imam muslim selon notre mère Aïcha radiallahu anha. Et ce dua, il est extrêmement important pour le croyant. Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il le disait dans Qiyam al-Layl. Et ce dua, tu peux le dire quand tu sais pas la vérité dans une chose. Tu demandes à Allah qu'il t'oriente vers la vérité et qu'il te montre la vérité. Et bi'idnillah, si tu es sincère et tu n'as que l'envie de suivre la vérité, tu seras orienté vers la vérité avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme j'ai dit dans le cours ou dans des cours précédents, les adorations dans lesquelles sont rapportées plusieurs adhkar et plusieurs ad'iya, et dans lesquelles on ne peut pas les dire toutes en même temps, comme ici, il n'est pas légiféré de citer tout ça. Un seul, tu choisis un seul dans ces endroits-là, ce qui est recommandé, c'est de varier et de mémoriser un maximum de ces ad'iya, et à chaque fois, tu dis un parmi eux. Et ça, c'est très bénéfique pour la concentration dans la salat, afin que ta salat ne devienne pas yani des paroles et des actes que tu fais machinalement sans réfléchir, avec l'habitude, et que l'adoration devient une habitude. Donc cette variété dans l'adhkar, ça t'aide à rester toujours concentré dans ton adoration. La deuxième sunna que Cheikh Rahimullah a cité, ja'alu kaffi liyadi liyumna ala liyusra fawqa sadri hina alqiyam qabla alruku'i wa ba'dah. La deuxième sunna, c'est de mettre la main droite sur la main gauche au-dessus de la poitrine dans la station debout. Que ce soit la station debout pendant la récitation ou après que tu te relèves de ruku', avant ruku' et après ruku', a dit Cheikh. Avant ruku' et après ruku'. Ruku', c'est l'inclinaison. Donc, ça, c'est une sunna, de mettre la main droite sur la main gauche et de les mettre sur la poitrine, toutes les deux. Et par rapport à ça, tu peux mettre la main droite sur la main gauche en prenant la main gauche par le poignet ou en allongeant les doigts de la main droite sur l'avant-bras, de façon rapportée de Nabi alayhi salam. Ou bien tu prends le poignet de la main gauche avec la main droite et tu les mets sur la poitrine, ou tu mets la main droite sur l'avant-bras gauche sur la poitrine. Les deux sont rapportés du prophète alayhi salatu wassalam. Ça donc, Cheikh il nous dit que c'est une sunna. C'est une sunna de le faire pendant la récitation et après que tu te relèves de ruku'. Après que tu te relèves de ruku', il y a une divergence entre les savants. Car il n'y a rien qui a été rapporté de Nabi alayhi salam d'explicite de comment on doit faire quand on se relève de ruku'. Est-ce qu'on laisse les bras? On les relâche vers le bas, allongés, ou on les place sur la poitrine. Donc, Cheikh Rahimallah, il voit que c'est sur la poitrine. Cheikh Al-Albani, il voit que comme rien n'a été rapporté, les mains doivent être relâchées et non pas placées sur la poitrine. Dalil de chacun des deux avis, c'est le même. Cheikh Al-Albani dit, comme il n'y a pas de dalil, on revient à la position normale des mains. Et les mains, en temps normal, elles ne sont pas placées sur la poitrine. Cheikh Ibn Baz, il dit, comme il n'y a pas de dalil spécifique, on revient à la position de base. Et la position de base dans salat, quand t'es debout, c'est que tu mets la main droite sur la main gauche. Donc pour lui, l'origine, c'est de mettre la main droite sur la main gauche. Quand tu te relèves, comme il n'y a pas de dalil explicite, tu fais comme ça. Il est rapporté de l'imam Ahmad qu'il disait que peu importe que tu relâches les mains ou là tu les mets sur la poitrine, car il n'y a pas quelque chose qui a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est une question de divergence. La troisième sunna, raf'u al-yadayn madmoumatay al-asabi' mamdoudatan hadhwa al-mankibayni aw al-udhunayn 'inda al-takbir, 'inda al-takbir al-awwal wa 'inda al-ruku' wa al-raf' minhu wa 'inda al-qiyam min al-tashahhud al-awwal ila al-thalitha. Donc la troisième sunna, j'ai oublié de mentionner une sagesse par rapport au fait de placer la main droite sur la main gauche, sur la poitrine, car cette position correspond à l'état dans lequel se trouve al-musalli, celui qui fait salat, le serviteur faible qui est entre les mains de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fort par excellence, le tout-puissant, le contraignant, le régnant subhanahu wa ta'ala. Et lui, il est dans l'état de celui qui demande avec humilité et modestie, rempli de crainte et par signe de soumission à Allah et de dévotion, il met sa main droite sur sa main gauche, sur sa poitrine. Et ça, c'est plus proche aussi de la concentration dans le salat. Car s'il ne les met pas sur la main, de cette façon-là, il va les laisser, peut-être que les mains vont bouger. Et il va faire des actes et des gestes futiles dans sa salat. Donc ça, c'est des sagesses. Et non pas la raison pour laquelle on fait l'adoration. La raison, on l'appelle al-illa. Et la sagesse, on l'appelle al-hikma. La sagesse, c'est beaucoup plus large. Et la sagesse, c'est des efforts des savants. Des efforts de déduction. Al-illa, en général, c'est quelque chose qui est tiré des textes. Donc, on met la main droite sur la main gauche dans le salat, en suivant le prophète, alayhi salatu wassalam. Et la sagesse dans ça, c'est ce qui vient d'être cité. La troisième sunna, le fait de lever les mains, le fait de lever les mains, les doigts joints, en ayant les doigts des mains joints, et non pas écartés les uns des autres, et que la main soit droite, les lever au niveau des épaules. Les lever au niveau des épaules, le mankibayn, c'est-à-dire le katifayn, les épaules. Ou de les lever au niveau des oreilles. Car ceci a été rapporté du prophète alayhi salam d'une manière authentique. Il levait ses mains dans takbir, quand il disait Allahu Akbar, il levait ses mains, il a été rapporté de lui deux façons. Ou bien, il les levait de sorte à ce que les extrémités des doigts, qui sont allongées, et la paume de la main est en direction de l'Qibla, et les doigts joints, en serrant les doigts joints les uns aux autres, la main allongée, la paume en direction de l'Qibla, et les extrémités des doigts sont au niveau de l'épaule. La main gauche au niveau de l'épaule droite, gauche, et la main droite au niveau de l'épaule droite. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, le Nabi alayhi salam, il levait ses mains un petit peu plus, jusqu'à ce que les extrémités des doigts soient au même niveau que l'oreille. Ce qui est voulu par l'oreille, c'est le lobe de l'oreille. Comme ça a été rapporté dans d'autres ahadiths. Il levait, alayhi salam, ses mains jusqu'à arriver à Shahmat al-Udhun, Shahmat al-Udhun, c'est la partie inférieure arrondie de l'oreille, la partie tendre. Hadawa qu'ils appellent lobe de l'oreille, dans lequel les femmes font des piercings pour mettre des boucles d'oreilles. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il levait ses mains de ces deux façons. Et donc ici également, c'est une sunna de varier. Des fois tu lèves tes mains jusqu'à avoisiner l'épaule, et des fois jusqu'à être au même niveau que les oreilles, que l'aube de l'oreille. Et ensuite, Cheikh a cité les endroits dans la salat dans lesquels on fait comme ça. Il a cité quatre. Il en a cité quatre endroits. Le premier, c'est quand tu veux faire ruku'. Tu dis Allahu Akbar et tu lèves tes mains de cette façon. Bien évidemment, on a vu, on les lève, tout d'abord dans Takbirat al-Ihram. Dans Takbirat al-Ihram. Et la deuxième, ou le deuxième endroit, c'est pour faire l'inclinaison, ruku'. La troisième, ou le troisième endroit, c'est quand tu te relèves de ruku'. Tu lèves les mains en disant, Sami'a Allahu liman hamidah. Et une fois debout, tu dis, Rabbana wa lakal hamd. Et la quatrième et dernière fois où tu lèves les mains, c'est quand tu te relèves du premier teshahoud pour la troisième raka. Tu as fini le premier teshahoud, tu dis Allahu Akbar en levant les mains et tu commences la troisième raka. Donc ça, c'est les quatre endroits dans lesquels il a été rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il levait ses mains tout le temps. Après, c'est une sunna de lever les mains de temps en temps à chaque fois que tu dis Allahu Akbar. Mais de temps en temps. Ces quatre endroits, c'est tout le temps une sunna. Et tout ça est rapporté dans les hadiths authentiques. Yani, les trois premiers endroits, à savoir Takbirat al-Ihram pour ruku' et quand tu te relèves de ruku', ces trois endroits, ça a été rapporté dans les deux authentiques selon hadith Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu. Hadith Malik ibn al-Huwayrith, c'est un hadith extrêmement important dans salat, car Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu était tout jeune. Des enfants, ils sont venus, ils sont entrés dans l'islam, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné la salat. Et ils ont bien retenu tout ce qu'il leur a dit. Et ils sont restés quelques jours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il leur a dit de retourner dans leur tribu et de les appeler à l'islam et de leur enseigner la religion. Et il y a des hommes de science qui ont regroupé toutes les versions de ce hadith dans un même ouvrage afin de pouvoir voir la description de salat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans sa globalité. Mais il n'est pas bien évidemment le seul compagnon qui a rapporté salat et sa description. Mais ce sahabi, il a cette particularité que je viens de vous citer. C'est pour ça que c'est un hadith dans salat ont une importance particulière chez les hommes de science. Et la quatrième, ou le quatrième endroit, qui est quand tu te relèves du premier teshahoud, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, et non pas dans les deux authentiques. Donc vous voyez que tout ça est rapporté dans des sunan authentiques, dans les livres les plus authentiques après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le frère demande, est-ce qu'on peut lever les mains, même entre les deux prosternations? Na'am. Na'am. Mais de temps en temps. À chaque fois que tu dis Allahu Akbar, en plus de ces quatre endroits, tu peux lever les mains. Mais de temps en temps. Mais pas tout le temps. Tout le temps, c'est les quatre endroits que Cheikh Rahimallah a cités ici. طيب لا سانكيم سنة ما زاد على قولي ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. Donc la cinquième sunna, c'est, يعني on a vu que dire ربنا ولك الحمد une fois c'est une obligation. Plus d'une fois c'est une sunna. Quand tu te relèves du ركوع. Et aussi, quand tu es assis entre les deux prosternations, nous avons vu que c'est une obligation de dire Rabbana ghfir lana ou Rabbi ghfir li une fois. Plus d'une fois, c'est une sunna. Donc, Rabbi ghfir li une seule fois, c'est une obligation. Et celui qui l'a dit une seule fois, ça suffit. Mais de répéter plus que ça, c'est une sunna et c'est recommandé. 3 fois, 5 fois, 7 fois, 10 fois. Et plus t'en fais, mieux c'est, bien évidemment. Ça, c'est la cinquième. La sixième sunna, ja'alu ar-ra'si hiyal adh-dhahri fi ar-ruku'. Le fait d'aligner la tête, d'aligner la tête avec le dos dans le ruku', c'est-à-dire placer sa tête au même niveau que son dos, quand est dans la position de ruku', comme ça a été rapporté dans le hadith Abi Humaid, radiallahu anhu, Abi Humaid Sa'idi, et d'autres compagnons, dans la description de la prière du prophète, alayhi salam, ils ont dit quand il s'inclinait dans salat, quand il faisait le ruku', alayhi salatu wassalam, il ne levait pas sa tête comme il ne la baissait pas. Il ne levait pas sa tête comme il ne la baissait pas. Il laissait la tête au même niveau que le dos. Au même niveau que le dos. C'est-à-dire qu'il va regarder, yani que son visage va être parallèle avec son dos. Parallèle avec son dos. Et le regard, les yeux, dans Salat, depuis son début jusqu'à sa fin, c'est l'endroit, il regarde l'endroit dans lequel il se prosterne. Il place son front, approximativement. Excepté quand il bouge son doigt dans Teshahoud, il regarde son index. Mais sinon, dans toute Salat, Sunna, c'est de regarder l'endroit sur lequel tu poses ton front. Même dans le ruku' et dans toute la salat, excepté le tashahhud. Tayyib. Donc il laisse son dos aligné avec sa tête. Et sahaba, quand ils ont décrit le prophète dans cette position, ils ont dit au point où si tu verses de l'eau sur son dos, elle va rester sur le dos, elle va pas tomber. Tellement le dos, il est aligné. Il est droit. Avec la tête. Et ça, c'est des positions qui sont une sunna tout d'abord et qui sont bénéfiques pour le croyant aussi. Car ça te fatigue pas dans le ruku'. Si tu es droit dans ta salat, et salat, ça demande une force, une détermination. Faut pas dire Allahu Akbar et descendre, yani comme si on est mou. Salat, ça a besoin, yani, dans la description de la prière de Nabi alayhi salam, il y a une force. Et dans les gestes, on se précipite pas et on va pas vite, mais on va avec une force. chacun selon sa capacité. Mais d'être mou dans salat, c'est pas demandé, sauf pour quelqu'un qui est malade ou qui a une excuse. Salat, que ce soit dans les paroles et dans les formules qu'on prononce, et également dans les actes qu'on accomplit, il est demandé, yani, une force. Allahu Akbar. C'est pas Allahu Akbar. Yani, tout ça, ça te fait tomber dans des erreurs. Et comme je vous ai expliqué précédemment, des erreurs qui peuvent arriver à la mécréance. Mais la personne ne comprend pas ce qu'elle dit. Mais sinon, elle parle avec une mécréance. Allahu Akbar. Et quand tu fais recours, tu le fais doucement, tranquillement, avec quiétude et sérénité, mais on sent qu'il y a une force dans ton geste. C'est ça ce que je veux dire. Donc, Nabi Issa Salam, quand il est debout, il écarte pas beaucoup ses jambes, comme on voit certains de nos frères faire. Et ça t'aide à ne pas à faire durer ta salat longtemps. Car si tu t'écartes les jambes, yani, tu vas être fatigué plus rapidement. Ses jambes sont au même niveau que ses épaules. C'est-à-dire l'écart qu'il y a entre les épaules, c'est le même à peu près qu'il y a entre les jambes. Et quand il descend dans le recours, son dos est aligné. Contrairement à quelqu'un dont le dos reste courbé, celui-là, il va se faire mal au dos. Il va se faire mal au dos. Et ça, c'est des choses sur lesquelles tu peux t'entraîner. Tu peux t'entraîner à descendre le dos aligné. Et pour aligner le dos, c'est pas au moment où tu arrives au recours. Ça se travaille pendant la descente. Il y a des techniques à faire quand tu descends. Et ce cours, en réalité, dans la description de Salat, doit être pratiqué devant les gens, afin de montrer ces choses-là. C'est plus facile. Il y en a pour décrire la totalité du geste et du mouvement, c'est pas toujours évident. Tayyib. La septième sunna, qu'il a cité, rahimallah, Mujafatul adudayn anil janibayn, wal batn anil fakhidayn, والفخذين عن الساقين في السجود. La septième sunna, c'est d'écarter les arrière-bras des côtes et le ventre des cuisses et les cuisses des jambes lors de la prosternation. Et ça aussi, ça te montre, yani, que dans le salat, il faut que tu aies une force. C'est pas tu vas te reposer sur ton côté ou là te reposer sur tes jambes pendant que tu es dans sujoud ou là coller ton ventre à tes jambes. Tout ça, c'est des positions que, yani, il faut que chaque membre soit bien isolé, bien séparé et il se prosterne librement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça on écarte. Tout d'abord, on écarte les arrière-bras. T'écartes tes arrière-bras de tes côtés. C'est pas tu les mets sur les côtés, tu t'appuies dessus. Et aussi, le ventre, tu l'écartes de tes cuisses dans ce sujoud. Dans ce sujoud, t'écartes ton ventre de tes cuisses et tu ne t'appuies pas avec ton ventre sur tes cuisses. Et t'écartes les cuisses des jambes. Tu vas pas coller les cuisses aux jambes. Tout ça dans As-Sujoud. Contrairement à ce que certains font, quand ils se prosternent, ils se croupissent dans As-Sujoud, yani, comme s'ils représentent une seule masse. Ce qui vient d'être décrit de Salat de Nabi Issa Salam, chaque membre, tu le vois d'une manière distincte et séparée du reste. Et chaque membre fait un effort dans ce sujoud. C'est pas, il va, il y en a, il se prosterne entièrement sur son front. C'est pour ça, tu vas trouver qu'il a une grosse tache sur le front. Il y en a, il fait une erreur dans la prosternation. Mais c'est pas toute personne qui a cette marque. Cela est dû à l'erreur de sujoud. Il y a des gens qui ont la peau plus sensible que d'autres. Mais, en général, c'est ça la cause. La personne, elle va s'appuyer complètement sur son front, et surtout si elle prie sur un tapis, il y en a un peu dur, ça laisse des traces plus rapidement. Donc tout ce qui a été décrit ici, faut bien noter que tu le pratiques sans faire du mal à ton voisin dans salat. Si tu pries seul, ou même quand tu pries en groupe, et que tu puisses pratiquer ces choses-là, sans nuire à celui qui est à côté de toi, à ta droite et à ta gauche. Yani, t'écartes les avant-bras, ou les arrière-bras, et tu lui mets ton coude dans le ventre, ça non. Et aussi, tu vas pas yani, écarter un point où il va y avoir yani, un espace dans le ventre, dans le rang, où il va y avoir un espace dans le rang. Comme vous savez, la règle générale, si pratiquer une sunna peut causer un mal pour un musulman, la sunna, c'est de délaisser cette sunna. Yani, si, en t'écartant dans ce sujoud, tu vas faire du mal à quelqu'un, alors sunna, c'est de ne pas écarter et de te limiter à ce qui est possible selon l'espace disponible. Et ça, il faut faire très très attention à ce point dans toute ta vie, dans toutes tes adorations. Toucher le Hajar al-Aswad, la pierre noire, c'est une sunna. Mais si pour la toucher, tu vas faire du mal à un musulman, ça peut être haram. Et la sunna à ce moment-là, c'est de ne pas la toucher. Et de délaisser cette sunna, car il va y avoir un mal plus grand que le bien espéré. Et une autre remarque très très importante, il faut savoir que tout ce qui est cité dans la salat concerne l'homme comme la femme. Contrairement à ce que certains savants ont dit, Cheikh Al-Albani a réfuté cela dans son livre Sifat Salat. Yani, certains savants ont dit que la femme, elle doit pas écarter ses avant-bras, ses arrière-bras, ses cuisses et ainsi de suite. Ils ont dit, au contraire, elle ne fait pas ça, car c'est mieux pour qu'elle se préserve et pour qu'on voit pas son corps ou des choses comme ça. Et ça, c'est contraire à ce qui a été rapporté et contraire à la règle générale. C'est que la femme est comme l'homme dans tous les jugements de la religion de l'islam, sauf s'il y a une preuve sur l'exception. Ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari que Umm al-Darda, vous savez qui c'est Umm al-Darda, l'épouse de Abu al-Darda. Et Umm al-Darda, c'était une femme très savante. Elle s'asseyait dans salat et elle faisait les gestes dans salat comme l'homme. Et c'était une femme qui avait beaucoup de science. Donc, la règle, c'est que les femmes sont concernées comme les hommes par tout ce qui a précédé. Sauf s'il y a un mal, une femme elle est en présence d'hommes étrangers et elle n'a pas autre moyen de autre lieu pour prier que celui-là. Et si elle écarte, yani les membres de son corps, ces hommes-là peuvent la regarder ou des choses comme ça. Mais sinon, la règle de base, c'est que la femme, elle pratique sa salat comme l'homme. également de hausser la voix quand c'est une salate à haute voix. Sauf si elle craint être entendue par un homme étranger. Sinon, la femme, elle hausse la voix dans sa salate. La huitième sunna, lever les avant-bras. Lever les avant-bras du sol pendant sujoud. Donc, quand tu es dans la position de sujoud, tu dois lever tes avant-bras, dhira'. Tu dois lever les avant-bras du sol afin de ne pas ressembler au chien. Comme ceci a été rapporté dans le hadith. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَلَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ. Que l'un d'entre vous ne pose pas ses avant-bras comme le fait le chien. C'est pour ça, il a été rapporté l'interdiction de ressembler au chien, notamment en plaçant les avant-bras au sol pendant sujoud. Tu places les paumes des mains et les avant-bras, ils sont bien levés du sol. Ils sont bien levés du sol. Donc, lever les mains du sol et ne pas mettre les avant-bras au sol, c'est une sunna. Et si on dit que c'est une obligation, ça peut être valable, car le hadith est explicite dans cette interdiction. Et la règle dans ce que le Nabi Islam nous interdit, c'est que c'est haram de le faire, et non pas détestable. C'est pour ça, si on dit que c'est une obligation de le faire, c'est un avis fort. Mais est-ce que si tu le fais pas, tu es redevable de ce sujoud sahou comme les autres obligations? Et est-ce que si tu le fais exprès, ça invalide la salat, même en disant que c'est une obligation? Non. Pourquoi? Parce que tu auras fait quelque chose d'interdit dans la salat. Et si tu le fais par oubli ou par erreur, par distraction, c'est pardonné. Et si tu le fais exprès, t'es exposé au péché pour avoir commis ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et tu t'exposes au châtiment d'Allah. Mais ça n'invalide pas salat. Car les obligations dans le délaissement invalident salat, c'est des choses qu'on doit faire et non pas des choses qu'on doit délaisser. C'est pour ça que ça n'invalide pas salat. C'est ça la différence entre les deux. La neuvième sunna, c'est الجلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى. Donc la neuvième sunna, c'est que le musalli s'assoit, il s'assoit en couchant son pied gauche et il s'assoit dessus, il s'assoit sur le pied gauche en le mettant par terre. En le mettant par terre. Et il tient son pied droit debout. Il tient son pied droit debout. Donc le pied droit, il est debout. Et le pied gauche, il est couché au sol et il s'assoit dessus. Cette position s'appelle l'iftirash. Ça s'appelle l'iftirash. Il y a une deuxième position que nous allons voir qui s'appelle Tawarruk. Donc l'iftirash, c'est ce qu'on fait dans le premier tashahhud et entre les deux prosternations. Pour vous simplifier, l'iftirash, on le fait tout le temps quand on est assis, quand on est assis, excepté dans un seul endroit où on fait Tawarruk. C'est dans le dernier, c'est dans le deuxième tashahhud, pas le dernier, le deuxième. C'est-à-dire une salade dans laquelle il y a un seul tashahhud, comme salade subh, on va faire l'iftirash. Tawarruk, on le fait dans un seul cas dans salade. C'est quand? On le fait quand il y a un deuxième tashahhud, on le fait dans le deuxième tashahhud. Sinon, dans toute notre salade, quand on est assis, on s'assoit avec l'iftirash. Iftirash, c'est comme on a vu. Le pied gauche couché et on s'assoit dessus et le pied droit est debout. Ça, c'est une sunna. La dixième sunna, c'est at-tawarruk. Tawarruk, ça se pratique uniquement dans les prières dans lesquelles il y a deux tashahhud. On le pratique dans le dernier tashahhud. Et sa description, c'est que al-musalli, il va s'asseoir sur son postérieur. Qal al-julusu ala maq'adatihi. Il va s'asseoir sur son postérieur. وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى. Et en laissant dépasser son pied gauche sous le tibia droit, tout en tenant le pied droit debout. Donc il va tenir le pied droit toujours debout, mais cette fois, il va pas s'asseoir sur le pied gauche. Il va le glisser en dessous du tibia du pied droit. Il va le sortir un tout petit peu. Ça s'appelle at-tawarruk. Et il a été rapporté du prophète alayhi salam dans des hadiths authentiques. Et c'est une sunna de le faire. C'est une sunna de le faire. Comme le frère a dit, toute chose dans la salat avec laquelle tu vas gêner ton voisin, comme bien même c'est une sunna de la faire, tu ne la fais pas avec l'intention de ne pas faire du mal à ton frère, et bi'idnillah, tu auras la récompense comme celui qui l'a fait exactement. Et tu auras en plus la récompense de cette pensée que tu as eue pour ton frère. Mais quand tu vas le gêner, c'est pas tu vas délaisser ces sunnas tout le temps. En général, ces sunnas, tu peux les pratiquer sans problème. Surtout quand tu t'es habitué à les pratiquer. Il y a des frères, quand ils commencent à s'habituer à les faire, au début, il va poser tout son poids sur celui qui est à sa droite. Et ça, il faut pas le faire. Tu t'entraînes chez toi. Tu t'entraînes pas, yani, avec le groupe. Et surtout les frères qui ont un peu de poids, yani, ces positions peuvent demander un peu d'entraînement au début. Tu peux t'entraîner chez toi. Et non pas tu viens de la mosquée et tu mets ton poids sur ton voisin. Et tu le perturbes et tu le fais sortir de l'khushu et tout ça dans le salat. Pour les frères dans cette situation, ils ne le font pas jusqu'à le maîtriser. Léana, quand tu maîtrises cette position, tu n'auras pas besoin de plus d'espace. Au contraire, tu vas économiser plus d'espace. طيب ça c'est la dixième. La onzième sunna, الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء. La onzième sunna, c'est le fait de bouger son index pendant le premier tashahhud et le deuxième tashahhud, du début de tashahhud jusqu'à sa fin, jusqu'à sa fin. Et de la bouger pendant l'invocation. Moi, j'ai dit bouger. Cheikh, il dit d'indiquer avec son index, d'orienter son index vers le Qibla et de le garder fixe sans le bouger, jusqu'à la fin de tashahhud. Et ensuite, quand tu commences les invocations, tu commences à le bouger. Donc ça, c'est ce que Cheikh voit par rapport à ce point, à cette sunna. Mais ce qui a été rapporté dans des hadiths, c'est de bouger l'index depuis le début de tashahhud jusqu'à la fin de dua. Et continuer à la bouger. Il a été rapporté, selon Ibn Umar, que bouger le doigt dans tashahhud, miqma'atu shaytan, Le miqma'a, c'est une sorte de bâton en bois ou en fer avec une tête courbée avec laquelle on frappe l'éléphant ou des animaux semblables afin de le faire soumettre, afin qu'il obéisse à son maître. Donc, dans ce hadith, le fait de bouger le doigt a été décrit comme cette chose-là pour Shaytan. Et le miqma'a, c'est rapporté dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit, le pluriel de miqma'a, c'est maqami'a. Allah Azza wa Jalla dit dans sourate Al-Hajj, وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. Il y aura pour eux des massues en fer, des massues ou des maillets en fer. C'est-à-dire ce qui a été décrit. Des bâtons en fer avec des extrémités courbées avec lesquelles ils seront frappés, wal'iyadu billah, les gens de l'enfer. Donc, l'avis de Cheikh Ibn Baz, c'est ce que j'ai cité. C'est que tu gardes l'index droit sans le bouger jusqu'à la fin de Teshahud. Et quand tu commences à faire dua, tu commences à le bouger. Mais l'avis de Cheikh Al-Albani et de d'autres savants, et par lequel je suis convaincu que c'est la vérité, c'est qu'on bouge l'index depuis le début de Teshahud jusqu'à terminer Salam. Car Salam, c'est une invocation, comme on l'a vu précédemment. Jusqu'à ce que tu finisses Salam, t'arrêtes de bouger l'index. Wallahu a'lam. La 12e sunnah, الصلاة والتبريك على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وعلى آل إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول. Donc salat sur le prophète عليه الصلاة والسلام. On a vu que dans le deuxième teshahud, c'est un pilier. Dans le premier, c'est une sunna. C'est une sunna. Avec les différentes formules rapportées. Et le mieux, c'est de varier. La 13e sunna, c'est الدعاء في التشهد الأخير. الدعاء في التشهد الأخير. Les invocations après le dernier teshahud. Et comme on a vu précédemment également, que la plupart des invocations du prophète عليه الصلاة والسلام, il les disait à cet endroit, quand il termine le dernier teshahud. Et ça démontre que c'est le meilleur endroit pour faire dua dans toute la salat d'une manière absolue. Car Nabi عليه الصلاة والسلام, c'est là où il faisait la plupart de ces invocations. Et les invocations, il faut en apprendre. Il y en a malheureusement, il y a certains de nos frères, certains muslimines, subhanallah, quand il vient dans ce sujoud, ou après avoir terminé le teshahud, il ne trouve pas à quoi dire. Il reste silencieux. Il fait très peu d'invocations et les invocations se terminent. Et si tu le places devant un homme riche et généreux et tu lui dis demande-lui, il te donnera tout ce que tu veux, tu vas trouver qu'il va demander énormément, il ne va pas s'arrêter. Et tout ça nous invite à mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala et à accorder davantage d'importance à la science de Tawhid, qui est la science qui te permet de connaître ton Créateur est ton adoré unique. Allah subhanahu wa ta'ala. La 14e sunna que Cheikh a cité, Al-Jahru bil-qira'ati fi salat al-fajr. Donc il a cité de réciter à voix haute pendant les prières dans lesquelles est rapporté que Nabi sallallahu alayhi wa sallam est récité à voix haute, notamment la prière de l'fajr, la prière de l'jumu'a, la prière de l'Eid et les deux prières de l'Eid, Eid al-Adha ou Eid al-Fitr, la prière de la demande de pluie, l'istisqa, dans les deux premières rak'at de l'Maghrib et de l'Isha. Donc ça, c'est une sunna de hausser la voix dans ce que Nabi Islam, dans ce que Nabi Islam haussait la voix. Et que également, c'est une sunna de baisser la voix, de réciter à voix basse dans les prières dans lesquelles Nabi Islam est récité à voix basse, notamment les quatre unités de Dhuhr et de l'Asr, la troisième de l'Maghrib, la troisième et la quatrième de l'Isha. Donc c'est une sunna. C'est-à-dire, si tu inverses, salat reste valide. Mais tu es tombé yani dans une chose qui s'oppose à la sunna. Et le croyant doit se conformer à la sunna. Donc, même si tu fais exprès, dans une prière à haute voix, toi tu récites à basse voix. Ou l'inverse, salat est valide. Mais si on prend l'exemple d'un imam, tout le temps il inverse. Dans ce cas-là, ça ne sera pas quelque chose d'autorisé. Mais ça deviendra une bid'a. Car il veut changer la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais même si tu le fais exprès, ça reste valide. Sauf dans ce cas-là. Où, yani, ça comporte une bid'a et un changement de la sunna. Car celui qui persiste dans le délaissement de la sunna et qui s'entête à délaisser la sunna et à délaisser ce qui a été légiféré et à pratiquer ce qui est détestable, celui-là, il est blâmé. Il est exposé au châtiment, comme bien même c'est une sunna. Comme ça a été rapporté de l'imam Ahmad et de l'imam Malik. L'imam Ahmad, il a été rapporté de lui que celui qui délaisse la prière de l'huître tout le temps, c'est un homme, c'est un homme mauvais, et que son témoignage ne doit pas être pris en compte. Mais s'il délaisse l'huître de temps en temps, il n'arrive pas à ce degré-là. Ça, c'est quelqu'un qui délaisse la sunna d'une manière continue. On n'accepte pas son témoignage. Et ça a été rapporté des imams par rapport à plusieurs sunnans. Ça a été rapporté de l'imam Malik par rapport à celui qui délaisse Rawatib tout le temps. Bien évidemment, le mieux pour toi, Yahi, c'est de ne jamais délaisser ces sunnans et de les pratiquer tout le temps, sauf les fois où tu peux pas. La 16e sunna, donc on a vu la 14e, la 15e, la 16e sunna, qira'atu ma zada 'anil fatihati min al-Qur'an. C'est de réciter de l'Qur'an en plus de l'Fatiha. Fatiha, c'est un pilier, comme on a vu précédemment. Mais ce qui est en plus de l'Fatiha, une surah, ou là quelques versets, ou ne serait-ce qu'un seul verset, ça c'est une sunna. Et pour celui qui est imam, il est tenu de faire attention à ceux qui prient derrière lui. Il ne fait pas imam, il récite des langues, surat, où il fatigue les gens derrière lui, alors qu'il y en a parmi eux celui qui est malade, celui qui ne garde pas longtemps les ablutions, et ainsi de suite. Le faible, la personne âgée, et ainsi de suite. Donc, il prie une prière de temps moyen. Par exemple, Dhuhr, 10 minutes, c'est une bonne moyenne. De prier Salat Dhuhr en 10 minutes, c'est une bonne moyenne. Pour celui qui prie imam, quand tu pries seul, tu fais durer la prière autant que tu souhaites. Il y a certains innovateurs ici en Arabie Saoudite, Alhamdulillah, pas dans le Madinah, qui sont connus pour faire durer les prières obligatoires. Il est imam d'une mosquée très connue. Bien évidemment, c'est une star. Il fait durer les prières obligatoires des temps, yani, très très longtemps. Et quand il le blâme sur cela, il leur dit, il n'y a pas que ma mosquée. Vous pouvez aller dans d'autres mosquées. Est-ce que Nabi Islam il priait comme ça? Dhuhr, la faire durer une heure ou la une heure et demie? Ça, c'est pas la prière du Nabi Aïssa sallam. Ça se rapproche de l'bid'a. Donc, quand t'es imam, faut faire attention à ceux qui prient derrière toi, mais non plus la prière, à la va-vite. Comme on a vu certains, t'arrives même pas à réciter le Fatiha quand t'es derrière lui. Tu peux pas réciter le Fatiha une seule fois derrière lui. Ça, c'est pas la prière de Nabi Aïssa sallallahu alayhi wa sallam non plus. Donc, c'est un juste milieu entre les deux. La 16e sunnah, c'est de réciter en plus de l'Fatiha. Et les sahaba, radiyallahu anhum, ils estimaient la salat de Nabi Aïssa sallallahu alayhi wa sallam, combien ils récitaient dans le dhuhr et combien ils récitaient dans les autres salawats. Ils ont trouvé que dans le dhuhr, ils récitaient dans les deux premières rak'at l'équivalent de Sourate Sajda. Sourate Sajda, elle comporte 30 versets. Donc, dans le dhuhr, à peu près, ils récitaient dans la première rak'a une vingtaine de versets. Deux pages. Dans la deuxième rak'a, ils récitaient une page. Toujours, ça va être la moitié. La deuxième rak'a, c'est la moitié de la première rak'a. Et dans l'asr, ils récitaient dans la première rak'a une page, 10 versets à peu près. Et là, dans la deuxième, la moitié, 5 versets à peu près. C'est comme ça, ils ont estimé sa salat. Ils ont essayé de calculer combien de temps il fait durer la première raka'a, la deuxième raka'a, et c'était à peu près comme ça. Ça, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Et dans salat al-maghrib, il récitait qisar al-mufassal. Qisar al-mufassal, c'est à partir de Zalzala jusqu'à Nas. C'est courte sourate. Et les sourates médianes de l'Mufassal, il les récitait dans Salat al-Isha, de Surat al-Tariq jusqu'à Surat al-Bayyina à peu près. Et les longues sourates de l'Mufassal, qui commencent par l'Hujurat ou par Qaf, jusqu'à l'Buruj, ça, il les récite dans Salat al-Subh. Donc ça, c'est une description également de Salat de Nabi alayhi salam et de combien elle durait. Et il a été rapporté de lui également qu'il a récité Surat Safat entièrement dans une salade de Subh. Ça a été rapporté qu'il a récité Surat Rum entièrement, Surat Qaf, et ainsi de suite. Et dans Salat al-Jumu'ah, il récitait Sajda al-Insan. Et des fois, il récitait, yani le plus souvent, il récitait سبح اسم ربك الأعلى et dans la deuxième il récitait هل أتاك حديث الغاشية. Donc tout ça c'est rapporté de Nabi عليه الصلاة والسلام et l'imam il le pratique selon ceux qui prient derrière lui aussi. Et vous savez tous l'histoire de Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu. Nabi alayhi sallam l'a fortement blâmé parce qu'il a fait durer Salat al-Isha très longtemps. Il est resté avec Nabi alayhi sallam jusqu'à ce qu'il a prié avec lui l'Isha. Et Nabi alayhi sallam, vous savez qu'il retardait Salat al-Isha. Et quand il a fini, il est allé dans son village et eux, ils l'attendaient pour les diriger dans Salat. Car c'était le savant parmi eux. Et c'est le savant de cette umma aussi, Mu'ad ibn Jabal. Il viendra en devançant les savants de la umma d'un lancer de pierre. Dans une riwaya, d'un lancer de flèche. Yani ça, c'est pour montrer son mérite, radiyallahu anhu, dans la science. Il l'attendait. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait, radiyallahu anhu? Il a prié, et dans la première raka'a, il a récité Surat al-Baqara entièrement. Allahu Akbar. Donc la première raka'a, plus d'une heure. Un jeune homme qui était fatigué, avoir travaillé une journée dure, tout ça, dans les champs, quand il a vu cette longueur de salat, il est sorti du rang, il a terminé sa salat tout seul. Mu'ad radiallahu anhu, quand il l'a appris, il a dit, c'est un hypocrite. Ce jeune homme, quand il l'a appris, il est parti voir le Nabi alayhi salam, il lui a raconté ce qui s'est passé. Et le Nabi alayhi salam a convoqué Mu'ad et l'a fortement blâmé. Radiallahu anhu. Et il lui a enseigné de réciter dans Salat l'Isha. Il lui a dit, quand tu diriges les gens dans Salat l'Isha, récite وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. Et ses sourates. C'est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Parmi les sunan avec lesquels l'imam a terminé, après les 16, il a dit que tu dois tenir compte également des restes des sunan que Cheikh Rahimallah n'a pas cité, car il n'a pas cité toutes les sunan, mais il en a cité quelques-unes et les plus importantes. Mais il y en a d'autres sunan, comme le fait de dire, après avoir dit Rabbana walakal hamd, c'est une obligation de dire ce qui est rapporté du prophète alayhi salam sallam. Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mil as-samawati wa mil al-ard, et ainsi de suite. Cette invocation, un jour, Nabi alayhi salam a entendu un homme dans salat, il a dit ça. Il a dit Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Quand il a fini salat, il leur a dit, c'est qui a dit ça? Cet homme a dit, moi au messager d'Allah. Il lui a dit, j'ai vu 30 hommes qui se concurrençaient, qui allaient prendre le premier cette parole. Et ça montre son grand mérite. Rabbana wa lakal hamda hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Tu dois la prendre et la répéter dans ta salat. Également parmi les sunan, c'est يعني قال ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع. C'est de placer les mains sur les genoux, compter dans le recours, de prendre tes genoux avec tes mains en ayant les doigts écartés, comme si tu prenais le genou et comme si tu le saisissais avec ta main, le genou gauche avec la main gauche et le genou droit avec la main droite, et les doigts écartés. Ça aussi, c'est une sunna dans le recours. Et parmi les sunan, également, jalsat al-istiraha. Ça, c'est une sunna importante qui est rapportée de Nabi alayhi salam, et c'est rapporté dans le hadith Malik ibn al-Huwayrith, radiyallahu anhu. Ce jeune homme qui a appris salat de Nabi alayhi salam, il l'a rapporté. Nabi alayhi salam ne lui a pas dit ça, c'est cette position, jalsat al-istiraha, c'est réservé pour les personnes âgées, les personnes fatiguées. Non. Il lui a enseigné, il l'a pris de lui. Jalsat al-istiraha, c'est une sunna qu'on fait tout le temps. Et contrairement à ce qu'ont dit certains savants, c'est une sunna pour les personnes âgées, personnes faibles, pour se reposer un petit peu. Ça, c'est légiféré pour tout le monde. Et cette jalsa, elle a lieu quand tu veux te lever pour la deuxième raka'a. T'as fini les deux prosternations de la première raka'a, tu veux te lever pour la deuxième, tu t'assois pendant un très court temps et après tu te lèves. Et également quand tu veux te lever pour la quatrième raka'a. Donc quand tu veux te relever pour la deuxième et pour la quatrième raka'a, tu t'assois pendant un court laps de temps, et après tu te relèves. Ça s'appelle jalsat al-istiraha, c'est légiféré pour tout le monde. Maintenant, si l'imam derrière lequel tu pries ne l'a fait pas, est-ce que tu l'as fait ou pas? Il y a des savants qui disent tu l'as fait tout le temps, même si l'imam ne l'a fait pas. Car, premièrement, tu suis le grand imam qui est le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, car cette assise très courte ne te fait pas sortir du suivi de l'imam dans la salat. et le suivi de l'imam dans la salat, c'est une obligation. Si ça pouvait te faire sortir du suivi, même ces savants-là t'auront dit de ne pas la faire, car tu ne fais pas une sunna en délaissant une obligation. Mais pour eux, comme elle est très courte, tu la fais même si l'imam ne la fait pas. D'autres ont dit non, si l'imam ne la fait pas, tu la fais pas. Car tu dois suivre l'imam dans l'apparence, dans ta salat. Toi, tu as l'intention de l'asr, lui, il a l'intention de dhor. Il n'y a pas de mal. Car le suivi concerne uniquement l'apparence. Il s'incline, tu t'inclines. Il passe au soujoud, tu passes au soujoud. C'est pas lui, il s'incline, et toi, tu restes longtemps à réciter le Fatiha. Sauf si tu connais cet imam et tu sais qu'il fait durer longtemps le recours, et qu'il te reste très peu de Fatiha, et que tu ne vas pas louper le recours avec lui. Car si tu loupes le recours avec lui, tu auras loupé une raka'a. Et dans ce cas-là, il t'est demandé de descendre directement après lui dans le recours. Et les gens avec l'imam, il y en a qui devancent l'imam. Ça, c'est haram. Il y en a qui vont en même temps avec l'imam dans les actes et dans les gestes. Et ça, c'est détestable. Et il y en a qui suivent l'imam. Quand l'imam, il dit Allahu Akbar, il descend pour rukou'. Dès qu'il arrive au rukou', lui, il commence le rukou'. Il dit Allahu Akbar, il commence le rukou'. Ça, c'est le suivi. Et dans tous les piliers, quand l'imam, il dit Allahu Akbar, il descend pour sujoud, une fois qu'il le voit arriver au sujoud, il commence, lui, son sujoud. Et s'il ne le voit pas, quand il termine Allahu Akbar, il commence, lui, sujoud. Et la quatrième catégorie de gens, c'est ceux qui restent longtemps après l'imam. Et ça, c'est détestable également. Donc, il y a deux choses détestables, une chose haram et une sunna. Sunna, c'est le suivi. Et le suivi, c'est comme ce que je viens de décrire. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alameen. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته